Le moins égoïsé du lot, Pierre, a réussi quand même à renier le Nazaréen trois fois avant le chant du coq. Puis comme je dis souvent, c'est parce qu'on avait empêché le coq de chanter pour que les paroles s'accomplissent. Alors, effectivement, c'était des êtres humains tout à fait conventionnels, sauf que chacun d'eux était privilégié. C'est-à-dire que chacun d'eux recevait une partie d'une coloration de l'énergie supramentale dans le plan planétaire. Ésotériquement, on parle de différents faisceaux d'énergie. Alors, effectivement, chaque apôtre était retenu un faisceau particulier. Il y avait 14 faisceaux à l'époque, le Nazaréen, Lazare et 12 apôtres. Mais ce n'était pas... Certains marchaient en groupe de deux ou de trois, mais ils ne pouvaient pas tous se tenir ensemble. Juste Judas, d'ailleurs. Il n'y a personne qui s'est plaint bébé quand il est parti. C'était pas le plus aimé. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur disciple du Nazaréen et c'était le plus grand chum du Nazaréen. Malgré cela, il ne put s'empêcher de livrer le Nazaréen. Il a livré Melchisédek à la place et il a trahi le Nazaréen. Plus que le Nazaréen répare la guerre et aille dire aux Romains que le Nazaréen c'était lui. Et là, c'est donc que je le télésporte. Alors, ça ne s'aimait pas comme. On voit des dessins des fois, là, qu'on se trouve. C'était juste pour la peau.